Troisième partie, chapitre deuxième. L'empereur, avant son avènement au trône, était administrateur de la douane de Mogador. C'est là qu'il acquit ses goûts de commerce et cette habitude des affaires, qu'il a montré dès le commencement de son règne. Il reçoit les visites des marchands impériaux de Mogador. Ces visites sont forcées surtout si les négociants sont ses débiteurs. Elles ont lieu tous les 3 ou 4 ans, ce qui est fort raisonnable, quand on considère qu'elles coûtent à chaque marchand de 3 000 à 4 000 $, en échange desquels ils obtiennent des prolongations ou des augmentations de crédit. Le nombre des marchands impériaux est de 20 environ. 3 sont anglais, les autres sont pour la plupart des juifs de Barbarie. Aucun négociant étranger ne peut lutter avec les marchands de cette corporation dont les arriérés s'accumulent d'une année sur l'autre. Quand ces arriérés s'accroissent de telle façon qu'il n'y a aucune chance d'en être payé, l'empereur, pour conserver sa bande de marchands esclaves, leur remettra la moitié ou plus de leur dette. Mais en échange d'une telle condescendance, il ne laisse pas échapper une si bonne occasion de se faire faire de beaux cadeaux. Les marchands de Mogador réunis doivent plus de 1 500 000 $ à l'empereur. Les marchands qui vont de Mogador à Maroc pour rendre visite à l'empereur s'arrêtent, premièrement, au jardin de l'empereur, à 5 heures de Mogador. On y trouve de beaux figuiers et une source. Deuxièmement, à Aïn Omar, troisièmement, à Sisoura, quatrièmement, à Wad Anfas. Le pays, les 2 premiers jours, est magnifique, semé de superbes forêts d'argan. Le 3e et le 4e jour, on traverse un pays de plaines ouvertes. Le 2nd jour, on voit distinctement la chaîne du Grand Atlas qui s'étage derrière la ville de Maroc, tandis qu'on laisse derrière soi, sur la gauche, la chaîne pittoresque du Djebel Edid, dont quelques sommets atteignent et dépassent 700 mètres d'élévation. Cette chaîne, qui court de Mogador à Asfi, parallèlement à la côte, doit son nom, montagne de fer, à la grande quantité de minerais qu'elle contient et qui fut, dit-on, exploitée à une époque où il y avait quelque industrie dans le pays. La plaine d'Akermout, qui se déroule entre le Djebel Edid et l'océan, est jonchée de débris de monuments. Là, disent les gens du pays, s'élevait, pas plus tard que dans le siècle dernier, une grande, riche et populeuse cité. Quel était son nom? Comment a-t-elle péri? Nul ne peut le dire. Le Maroc est la terre des vestiges sans souvenir. Le 5e jour, aux approches de la capitale, la campagne se couvre de dattiers sauvages et de palmiers nains. L'atlas se dessine plus imposant, plus grandiose à mesure qu'on avance. C'est le seul intérêt qu'offre le voyage, et il suffit à captiver toute l'attention. À mi-route, au cou du chameau, on rencontra un puits situé au milieu d'un pays aride et désolé. Tous les ânes de la caravane des marchands y périrent de soif. D'après les dernières volontés du saint qui a creusé ce puits, il n'est pas permis de faire boire son eau aux animaux. On attacha les chevaux et les mulets à la margelle du puits. Ils regardaient avec des yeux avides l'eau qu'on tirait pour les hommes. Ils en aspiraient bruyamment l'odeur. Mais on ne permit pas de leur donner une seule goutte. 2 chevaux se débarrassèrent de leurs entraves et, rendus plus furieux encore par la soif, se battirent avec acharnement. « Voyez, voyez, disaient les morts, le saint est en colère parce que vous avez voulu donner à boire à vos chevaux. » Nos marchands, cependant, malgré le saint, cet ennemi invisible des animaux, firent provision d'eau et ils en abreuvèrent leurs chevaux pendant la nuit et le jour suivant pendant la marche. Tout le long de la route, l'installation est déplorable, ainsi que dans la capitale. La salle d'attente des chrétiens près du palais de l'empereur n'est qu'un misérable abri dont les murs sont défoncés. Dans la capitale, tout tombe en ruine. L'empereur ne répare point ses palais, pas même les jalousies qui ferment les fenêtres de son harem. Son argent et sa fortune personnelle, voilà son seul souci. La présentation des marchands à l'empereur eut lieu de la manière suivante. À 9 heures du matin, on les introduisit dans un jardin où se trouvaient environ 2 000 soldats en ligne, tous d'un aspect féroce. Après avoir passé devant ces guerriers barbares, ils arrivèrent dans une grande cour entourée de bâtiments où ils attendirent environ 5 minutes. Les portes du palais s'ouvrirent tout à coup, et l'empereur apparut monté sur un magnifique cheval blanc, suivi d'une escorte de courtisans tous à pied. Sa Majesté impériale était accompagnée du gouverneur de Mogador qui marchait à ses côtés. Le gouverneur présenta d'abord les fonctionnaires de Mogador, puis les principaux morts, ensuite les chrétiens et enfin les juifs. Ces derniers, en passant devant l'empereur, ôtaient leurs chaussures. Ils défilaient un à un, suivis chacun de son cadeau porté par un domestique. L'empereur fut très gracieux. Il demanda les noms de tous et condescendit à les remercier particulièrement pour leurs présents. Chaque marchand portait un connaissement des présents qu'il offrait et remettait cette liste au gouverneur, car le sultan n'inspectait pas les cadeaux qu'on lui faisait. Ouvrir un seul colis eût été de mauvais goût et eût fort blessé la délicatesse de Sa Majesté impériale. La présentation de 15 marchands dure environ 20 minutes. La cérémonie finie, il leur fut permis de se promener dans les jardins de l'empereur et même d'y cueillir quelques fruits. Les négociants attendirent ensuite une 15 jours avant de pouvoir présenter un cadeau au fils aîné de l'empereur. Je tiens tous ces détails des marchands eux-mêmes. La valeur des présents qu'on fit dans cette visite était d'environ 50 000 $, ce qui dédommage amplement le sultan des prêts qu'il fait, des crédits qu'il donne. C'était principalement des objets de manufacture européenne. Sa Majesté les vend à ses sujets pour son compte. Dans cette masse de présents, il va sans dire qu'il y a nombre de produits tels que thé, sucre, épices, essences, etc., qui, avec des vêtements et des articles de toilette et d'ornement, sont pour son usage personnel et pour celui de son harem. Pendant mon séjour à Mogador, M. Cohen arriva, venant de Maroc. M. Cohen est un juif anglais très au courant des affaires du Maroc. Ses opinions diffèrent beaucoup de celles des marchands impériaux qui sont trop engagés avec l'empereur pour pouvoir être indépendants. Les Marocains, me dit M. Cohen, sont fatigués de leur gouvernement, fatigués du pillage de leurs propriétés, fatigués du peu de sécurité et de l'incertitude dans laquelle ils vivent relativement à cette propriété restreinte qui ne consiste qu'en un fort petit nombre de valeurs. M. Cohen va plus loin. Si un puissant pouvoir européen s'établissait sur la côte, la population tout entière, dit-il, irait se mettre sous sa protection. Voici un exemple qu'il me donna de la méthode qu'emploie l'empereur pour faire rendre gorge à ses gouverneurs de province. Il y a quelques années, le gouverneur de Mogador se présenta au sultan à Fès. Reçu avec tous les honneurs dus à son rang, il demanda à retourner à Maroc. On le congédia avec les démonstrations les plus amicales. Mais aussitôt arrivé à Maroc, le gouverneur de la ville lui fit savoir qu'il était prisonnier par ordre du sultan qui lui réclamait 40 000 $. La pauvre dupe finit par obtenir la permission de retourner à Mogador, où il fut obligé de vendre tout ce qu'il avait pour parfaire la somme que l'empereur exigeait de lui. « Quant à la politique, dit encore M. Cohen, si le sultan se trouve dans l'embarras, il cède, mais traîne d'abord les affaires en longueur autant qu'il peut. » Aussi longtemps qu'il ne se compromet pas ou qu'il n'est pas découvert, il use et abuse de son pouvoir tant à l'égard de ses sujets que des étrangers. S'il lui arrive quelque désagrément, il en rejette toujours la responsabilité sur ses ministres, et si l'un d'eux lui a donné quelques conseils et que les affaires tournent à mal, malheur aux pauvres fonctionnaires. Le gouverneur actuel de Mogador se trouvait en même temps que M. Cohen à Maroc. Un homme qui connaît à fond la politique de son gouvernement, il refuse de l'empereur tout salaire et des étrangers tout présent. Ce gouverneur n'est pas riche et trouve que cette méthode lui réussit parfaitement. Il ne veut pas s'enrichir pour qu'ensuite l'empereur lui fasse rendre gorge, selon la méthode employée envers ses prédécesseurs et collègues. Quand il fut nommé à son poste, il le laissa très poliment entendre à l'empereur. Il a toujours nettement refusé les présents des marchands. De cette manière, le sultan ne peut le saigner sous le prétexte qu'il s'est engraissé par ses exactions. J'avais souvent entendu parler des terribles serpents de la province de Sousse, parmi lesquels, s'il faut en croire les Arabes, se trouvent encore des pitons capables de fermer les routes aux caravanes et dignes, par leur taille, de figurer non loin du fameux serpent de Bagrada, de classique mémoire. C'est de la même province que sortent presque tous les aizovis ou industriels possédant l'art de charmer les vipères les plus dangereuses. Un matin, sur la place du marché, nous rencontrâmes une bande de 4 de ces hommes. 3 d'entre eux étaient musiciens. Leurs instruments, longs et grossiers roseaux en forme de flûte, percés aux 2 bouts, produisaient des sons mélancoliques mais qui n'étaient pas dépourvus d'un certain charme. Les Ezoïs, invités à nous montrer leurs serpents, s'y prêtèrent de bonne grâce. Élevant d'abord leurs mains, comme s'ils tenaient un livre, ils murmurèrent, à l'unisson, une prière adressée à la divinité et invoquèrent Sedna Aizer, qui dans le Maroc est le patron des charmeurs de serpents. Il ne faut pas confondre Sedna Aizer avec Sedna Aiza, qui est le nom par lequel les Arabes désignent le Christ, qui qu'ils appellent aussi Rohala, le souffle de Dieu. Leur invocation terminée, la musique commença. Le charmeur de serpents se mit à danser en tournoyant avec vélocité autour d'un panier de joncs, recouvert d'une peau de chèvre sous laquelle se trouvaient les reptiles. Soudain, le charmeur de serpents s'arrête, il plonge son bras nu dans le panier et retire un cobra capello, qu'il contourne comme si c'eût été son turban. Tout en dansant, il l'enroule autour de sa tête. Le serpent, paraissant obéir à ses désirs, conserve la position qu'il lui a donnée. Le cobra est ensuite placé à terre. Se dressant alors sur lui-même, il commence à balancer sa tête de droite à gauche, on dirait qu'il accompagne la mesure. Tournant plus rapidement encore, l'Aizowi plonge sa main dans le panier, dont il retire successivement deux serpents très venimeux, de l'espèce que les habitants de la province de Sousse désignent sous le nom de l'Efa. Ces reptiles, dont la robe marbrée est tachetée de noir, ont le corps assez gros. Leur longueur n'excède pas 2,5 pieds à 3 pieds. Ces deux lefas étaient moins bien dressés et plus ardents que le cobra. À demi roulé, la tête penchée, prêt à l'attaque, ils suivaient d'un œil étincelant les mouvements du charmeur de serpents. Quand ils s'approchaient d'eux, s'élançant sur lui, la mâchoire ouverte, ils dardaient leur corps avec une incroyable vitesse. Leur queue, cependant, semblait immobile. Puis ils se repliaient sur eux-mêmes. L'Aizowi, avec son haïk, repoussait les attaques dirigées contre ses jambes nues, et les lefas épuisaient leur poison sur le vêtement. Invoquant alors Sednaizer, le charmeur saisit un des serpents par la nuque, en continuant toujours sa danse tournoyante. Il ouvrit alors, à l'aide d'une baguette, les mâchoires du reptile pour faire voir aux spectateurs les crochets qui laissaient suinter une matière blanche et huileuse. Il présenta ensuite son bras au lefa, qui enfonça immédiatement ses crochets, pendant que l'homme, faisant de hideuses contorsions, tournoyait toujours rapidement en invoquant son saint patron. Le reptile continua de mordre jusqu'au moment où l'Aizowi, le retirant, nous montra le sang qui coulait de son bras. Déposant ensuite le lefa à terre, il porta sa blessure à sa bouche et, la pressant avec ses dents, il se mit à danser, la musique hâtant de plus en plus la mesure jusqu'à ce qu'enfin il s'arrêta épuisé de fatigue. Persuadé que ce n'était qu'une jonglerie, et qu'il avait enlevé le venin du lefa, je demandai à toucher le serpent. « Êtes-vous Naizoï ?» me dit l'homme de Sousse. « Ou bien avez-vous une foi inébranlable dans le pouvoir de notre saint ?» Je répondis négativement. « Si le serpent vous mord, me dit-il, votre heure est venue. Qu'on me donne une poule ou tout autre animal, je vais vous donner une preuve évidente de ce que j'avance, avant que vous ne touchiez un lefa. » On apporta une poule. Le charmeur de serpent prit un de ses reptiles et lui laissa mordre l'oiseau. On mit la poule à terre, qui tourna pendant une minute comme si elle avait des convulsions, chancela et tomba morte. Peu après, sa chair avait pris une teinte bleuâtre. Il va sans dire que je n'insistais pas pour toucher au lefa. Remettant ses reptiles dans le panier, notre charmeur en retira d'autres serpents connus dans les environs de Mogador. Je remarquai entre autres le Boumenfak, le père de l'enflure. La morsure de ces serpents n'est pas assez venimeuse pour mettre la vie en danger. L'Aizowi joua pendant quelque temps avec eux et les laissait mordre son corps à demi nu qui ruisselait de sang pendant qu'il dansait. Puis, saisissant entre ses dents la queue d'un de ces serpents, pendant que les autres s'enroulaient autour de son corps, il commença à le manger ou plutôt à le mâcher. Le reptile, se tordant de douleur, mordit le cou et les mains de l'Aizowi jusqu'à ce que celui-ci l'eût complètement dévoré. Je n'ai jamais vu de plus dégoûtant spectacle. Dans mes courses, j'ai souvent rencontré des Aizowi. Je les ai toujours vus manier les scorpions et d'autres reptiles venimeux sans en avoir jamais été blessé. Pendant mon séjour à Tanger, un jeune maure, assistant aux exploits d'un charmeur de serpents, le tourna en ridicule en lui disant que ce n'était que jonglerie. Mis au défi par un des Aizowi, il entra dans le cercle magique, toucha un des lefas, fut mordu et expira en peu d'instants. Les Aizowi forment une secte nombreuse disséminée dans les villes de l'ouest de la Barbarie. Ils rappellent, sous certains rapports, les derviches tourneurs de l'Orient. Comme eux, ils s'assemblent les jours de fête dans des maisons consacrées à la célébration de leur rite. Ils croient que leur amour et leur respect pour Sednaizer, leur patron, doit arriver à les faire dépasser les bornes de la raison humaine. Cette idée les fait tomber, pendant qu'ils s'y livrent, dans une aberration d'esprit telle qu'ils s'imaginent être transformés en bêtes sauvages, tigres ou lions, chiens, etc. Il se met alors à hurler, à aboyer ou à crier à l'imitation des animaux qu'il croit représenter. Cet état de folie tient soit à l'emploi d'une herbe enivrante, le haschich, qu'il prenne par petites quantités dans un verre d'eau, soit à ce qu'il fume du kik, plante fort commune dans le Maroc ainsi que la précédente. Quand les Aizouis sont dans cet état, on les promène quelquefois dans les rues. Enchaînés deux à deux, leur chef, Mkaden, les précède, montés à cheval. Ils poussent des hurlements horribles et font des bonds prodigieux. Les spectateurs leur jettent quelquefois un mouton vivant. Il est aussitôt mis en pièces et dévoré, intestin et tout. S'ils parviennent à se débarrasser de leurs chaînes, ces Aizouis se jettent sur les Juifs et les chrétiens qu'ils rencontrent. Il y a quelques années, à Tanger, un enfant juif, m'a-t-on dit, fut mis en pièces par ces frénétiques. Je fus une fois attaqué par un de ces furieux qui avait réussi à se débarrasser de ses liens. Mais j'avais heureusement un énorme bâton que je lui appliquais vigoureusement sur le crâne. Ce traitement sembla le rappeler à la raison. Il me quitta pour aller dévorer des choux dans une boutique voisine. Les morts regardent ces sectaires d'un œil moins favorable que ne le font les Turcs. Cependant, au Maroc, comme dans tout l'Orient musulman, il n'y a de position sociale, inviolable et sûre, que celle de maniaque et d'insensé. Peut-être, pour trouver l'origine de ces rites, contraires à la loi du prophète, faut-il remonter jusqu'au jour antique où les phénomènes incompris de l'astronomie et les fureurs d'un fétichisme bestial se partageaient les croyances de l'humanité enfant. Un jour, je fis avec quelques amis chrétiens et morts une excursion jusque 104 sultans, ou au jardin de l'empereur, qu'on appelle aussi quelquefois Garcet S. Sultan. C'est une promenade à cheval de 4 à 5 heures. Nous guéâmes avec difficulté la rivière Ouad el Kessab. Il était tombé beaucoup d'eau dans le haut pays, mais pas une goutte de pluie sur la côte. Comme dans tous les pays déboisés par l'insouciance des nomades et par la vaine pâture, les cours d'eau du Maroc sont très trompeurs. Pour se servir de la métaphore de Job, ils sont trompeurs comme un livre. Aujourd'hui à sec, demain ils rouleront des eaux écumantes et fangeuses qui inonderont tout le pays environnant. La vallée qui conduit au jardin de l'empereur n'offre rien de très remarquable. Quelques broussailles couvrant des monticules de sable, de rares palmiers nains, ou quelques argans plus rares encore. Des tourterelles sauvages, roucoulant et voletant au milieu de ces arbres, rompaient seules la monotonie de ce pays inculte et désert. Il n'y avait pas de terre cultivée. Il me fut affirmé que la plus grande partie du Maroc présentait cet aspect désolé. Le principal but de notre pèlerinage en ce lieu était un argan, planté, dit-on, par le lieutenant du prophète, le célèbre Okba. C'est un vieil arbre chenu dont l'ombre garantirait encore 100 personnes des ardeurs du soleil africain. Est-il rien de plus beau qu'un arbre majestueux dont les branches et les feuilles varient sans cesse, multipliant leurs formes et les jeux de la lumière, semble nous donner une idée de l'infini. Mais un bel arbre dont le brûlant climat de l'Afrique procure une sensation qu'on ne peut éprouver en Europe. Les jardins de l'empereur enferment un puits et quelques arbres fruitiers. L'un d'eux, un magnifique figuier, a le tronc tout ciselé des noms des Européens qui ont visité ces lieux. Comme nous étions à nous reposer sous le vénérable arbre d'Okba, le monarque de la forêt, un mort vint nous raconter les légendes des esprits et des elfes de cette forêt déserte. Il fut un temps où ces bois étaient peuplés d'enchanteresses qui empêchaient les musulmans fidèles de faire leurs prières, dansant autour d'eux au son d'une musique voluptueuse, tout comme les nymphes des jardins d'Armide. Les malheureux enfants du prophète étaient tourmentés sans relâche par ces astucieuses houris. Nous traversâmes, en rentrant en ville, les deux cimetières, chrétiens et indigènes. Le premier est le lieu de repos le plus triste que l'imagination la plus désolée puisse rêver. Pas de vert gazon, pas d'arbres, pas un seul cyprès projetant son ombre sur le malheureux qui vient pleurer sur une tombe aimée. C'est un lieu de désolation, une plaine de sable que balayent les vents furieux de cette plage solitaire de l'océan. Je ne fis que traverser le cimetière mort. Quel spectacle de la corruption humaine! Le soleil était couché, la lune couvrait de ses pâles lueurs et de ses ombres étranges cette demeure des morts. Il me fallait me hâter de retourner pour ne pas trouver les portes de la ville fermées. Dans la pénombre, j'entrevoyais se glisser au milieu des tombeaux ces violateurs de cadavres, les hyènes. Le voyageur aurait pu voir dans ce lugubre tableau un emblème fidèle de l'Empire du Maroc et de ses gouvernants. Ainsi s'achève Voyage au Maroc 1670, 1789-1860, par Ferdinand de Lannoy.